La dernière chose qu'on avait dit, c'était que al-khushu' fi salah min iqamatiha. Avoir le khushu' dans la prière, ça fait partie de l'accomplissement de la prière. Et qu'Allah dans le Coran ne nous a pas dit simplement faites la prière, mais il a dit accomplissez, aqim. Ce qui est un peu plus profond, plus complet que simplement prier ou faire la prière. Dans le point suivant, le cheikh il a dit, donc le point suivant s'intitule At-tahdhiru min tarki al-khushu' fi as-salah. C'est-à-dire faire attention à ne pas délaisser le khushu' dans la prière. Donc là, il a cité plusieurs hadiths dont le sens est, ça on l'avait déjà expliqué. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de khushu' dans la prière, elle n'est pas acceptée. Mais pas acceptée dans le sens où elle n'est pas, qui c'est qui s'en rappelle ? Elle n'est pas récompensée. Ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire qu'on doit la refaire. Donc nous sommes au point suivant, le 11e point du chapitre. As-salatu bi khushu'in qurratun lil 'ayn wa rahatun lil qalb. Donc ce point il s'intitule le khushu' dans la prière, c'est une, alors il dit en arabe qurratun lil 'ayn. C'est une façon de dire un plaisir en fait en arabe. Qurra c'est comme une réjouissance. Al-'ayn bien sûr c'est les yeux. Donc en arabe pour dire quelque chose qu'on aime à un très haut degré, on dit qurratun lil 'ayn, c'est un plaisir, un grand plaisir. Warahatun lil qalb, et c'est un repos pour le cœur. Donc là, il a cité plusieurs hadiths, notamment le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba ilayya an-nisaa wa at-tayb wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Donc il dit hubbiba ilay, ça veut dire on m'a fait aimer. Donc c'est-à-dire qu'Allah lui a fait aimer. Et il a dit deux choses, an-nisa wa at-tayb, les femmes et le parfum. C'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, ce qu'il aimait, c'était d'une part les femmes et d'autre part le parfum. Mais ensuite, il n'a pas dit wa hubbiba ilayya ou hubbibat ilayya as-salah. Il n'a pas dit Allah m'a fait aimer la prière. Il a dit wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Donc qurratu 'ayn, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il dit ça, on l'a mis dans la prière. On me l'a mis dans la prière. Et qurratul 'ayn, c'est au-dessus de l'hubb. Donc pour parler de l'amour naturel qu'il avait envers les femmes et le parfum, il a employé le mot hubbiba, donc c'est le hubb. Mais pour parler de la salat, il n'a pas dit wa hubbiba, il a dit wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. C'est-à-dire mon grand plaisir, on me l'a mis dans la prière. Donc c'est-à-dire que c'est ça qu'il aimait par-dessus tout. Dans un autre hadith également, il est rapporté que quand venait l'heure de la prière, et Bilal ibn Rabah, c'était le muadzin, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il voulait lui dire d'appeler à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait arihna biha ya Bilal, qui veut dire comme s'il disait soulage-nous ou repose-nous par la prière au Bilal, c'est-à-dire fais l'adhan pour qu'on trouve notre repos. Et certains savants ils soulignent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait arihna biha et non pas arihna anha. C'est-à-dire, si on change le harf, la préposition, si on dit arihna biha, ça veut dire repose-nous par elle. Si on dit arihna anha, ça veut dire repose-nous d'elle. C'est-à-dire dégage-nous d'elle, débarrasse-nous d'elle. Et il dit que malheureusement, beaucoup de prieurs, c'est comme s'ils ne parlent pas, mais. S'ils pouvaient parler, ça serait de dire Arihna Anha. Malheureusement, leur situation, elle veut dire repose-nous d'elle, débarrasse-nous d'elle, et non pas repose-nous par elle. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit l'autre fois, le livre, il est long, il est même très long, il se répète beaucoup. Donc, moi, je vous dis les principales choses du livre. Athaniya Ashar, le 12e point. Mashahidu salatil khashi'ati allati tuqarru biha al-'ayn. Donc, là, il parle de. Et là, il a tiré d'un livre de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, des différentes choses qui font qu'une prière, c'est la prière qui réjouit. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que son plaisir a été mis dans la prière. Donc là, il dit, quelles sont les choses qui font que la prière, elle est ainsi. Elle réjouit l'individu. Donc il a appelé ça les mashahid. C'est comme quatre positions, quatre choses, quatre points. Donc il a dit « Al-mashhad al-awwal al-ikhlas ». La première chose, c'est l'ikhlas. Qu'est-ce que veut dire l'ikhlas? C'est le fait que Ce qui te pousse à prier, c'est seulement et purement Allah et l'ordre d'Allah. Ni l'habitude, ni le regard des gens, etc. Mais purement et simplement l'ordre d'Allah. Et le fait de vouloir la récompense et la satisfaction d'Allah. Al-mashhad al-thani, mashhad al-sidqi wal-nusra. Deuxièmement, ça ressemble à l'ikhlas, mais ça s'appelle al-sidq wal-nusra, c'est-à-dire la véracité envers Allah. Et là, la différence avec le premier point, c'est que ça parle du fait que l'individu, il vide son cœur pour la prière. Il vide son cœur de toute préoccupation, qu'il n'y a rien d'autre qui l'occupe que la prière, et qu'il se consacre, il se tourne complètement vers sa prière. Troisièmement, il a dit « Mashhadul mutaba'ati wa liqtida ». Troisièmement, c'est « Al-mutaba'a ». Al-mutaba'a, yani l'innabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire en français le suivisme, non pas le suivi, c'est plutôt le suivisme. Le fait de s'accrocher à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, bien sûr, il parle de l'aspect extérieur de la prière. C'est qu'une des choses qui va faire que la prière, c'est une prière qui a du khushu', c'est le fait de s'attacher dans la façon de l'accomplir à ce qu'on connaît du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat. Priez comme vous m'avez vu prier. Et ça, comment on peut y parvenir? Bien sûr, si ce n'est en apprenant. C'est-à-dire faire en sorte au maximum que sa prière, elle ne soit pas simplement calquée sur ce que les gens ils nous ont dit, ou simplement, par exemple, sur ce que mon père il m'a expliqué la première fois qu'il m'a appris à prier. Donc, il m'a expliqué, je n'ai pas cherché à comprendre, c'est normal. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Par la suite, il faut chercher à apprendre pour savoir ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait pour pouvoir le suivre au maximum. Et al-mashhad al-rabi' mashhad al-ihsan. Et le quatrième point, c'est l'ihsan, al-muraqaba, le fait de penser au regard d'Allah sur soi quand on est dans la prière. Comme le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budallah ka'annaka tara. C'est le fait de prier, enfin plutôt ici d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc là, il a cité Ibn al-Qayyim qui parle longtemps. Malheureusement, on ne peut pas tout lire. Mais il disait, le prière, il doit être comme si devant lui, il y avait Allah. Au-dessus des sept cieux et qu'il le voyait. Il doit être comme ça. Qu'il voyait Allah récompenser, punir, qu'il voyait Allah se mettre en colère ou faire miséricorde. Il doit être ainsi et se forcer à être ainsi dans sa prière. Al-Mashhad al-Khamis, le cinquième point, je croyais qu'il y en avait quatre, je me suis trompé, il y en a six, c'est Mashhad al-Minna. Que veut dire Mashhad al-Minna? C'est le fait que le prieur, il pense au fait que cette salat et sa position dans la prière, c'est une minna. Minna, ça veut dire un bienfait d'Allah. C'est-à-dire, il ne voit pas ça comme un bienfait de lui-même. Comme si lui-même, il faisait quelque chose de bien envers Allah. Mais il voit ça comme un bienfait d'Allah sur lui. Le fait de l'avoir guidé à l'islam et de l'avoir guidé à la prière. Et al-mashhadu sadis, c'est mashhadu taqsir. La sixième chose, c'est le fait de considérer le taqsir. La négligence de l'individu. C'est-à-dire, d'une part, l'individu se dit j'ai de la chance de la part d'Allah de faire la prière, la faire à l'heure, la faire correctement. Plus je la fais bien, ou plutôt mieux je la fais, et plus c'est un bienfait d'Allah, un grand bienfait d'Allah. Et en même temps, il se dit mais moi, je suis négligent dans la prière. C'est-à-dire que jamais il considère qu'il a fait la prière de façon correcte ou de façon parfaite. Mais il regarde toujours ses négligences. Comme ça, ça va lui éviter l'orgueil, et ça va toujours l'inviter à être modeste, à faire preuve d'humilité et de pudeur envers Allah. Le 13e point du chapitre, il s'intitule « Aqsamu an-nasi fil khushu'i fi s-salah ». Comment les gens se divisent dans le khushu'i? Comment on peut diviser les gens dans le khushu'i? Donc là, encore une fois, il a cité quelque chose de la part d'Ibn al-Qayyim, qui divise les gens en cinq catégories par rapport à leur khushu' avant la prière. Il dit le degré le plus bas, c'est al-zalimu li nafsihi, celui qui est injuste envers lui-même. Donc il dit celui-là, c'est par exemple celui qui ne fait pas les ablutions correctement, qui ne fait pas la prière à l'heure, qui ne fait pas les piliers de la prière. Par exemple, le rokou', il fait ça, il se relève tout de suite, donc ce n'est pas valable. Lui, il fait en sorte que carrément, ce n'est pas valable. Donc ça, c'est al-zalimu li nafsihi. Il est injuste envers lui-même. Le deuxième degré, c'est celui qui l'a fait correctement au niveau extérieur. Il respecte les ablutions, il respecte les horaires, il respecte les conditions, les piliers de la prière, mais quand il est dans la prière, son esprit il est ailleurs. Dans la prière, il pense à autre chose. Donc il fait les choses correctement à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est ailleurs. Et dans sa prière, il pense à autre chose. Le troisième, c'est celui qui fait tout ce qu'il faut extérieurement. Et à l'intérieur de lui, il est occupé à repousser Louis Wess. Donc il n'est pas concentré vraiment dans la prière, mais quand même, il est concentré pour la prière. C'est-à-dire qu'il y a plein de pensées, et lui, sans cesse, il est en train de repousser ses pensées. C'est ça son combat. Et c'est ça sa situation. Ensuite, le quatrième, c'est celui qui fait tout correctement extérieurement et qui est concentré sur sa prière. Donc lui, il n'a pas de wiss-wess, ou très peu. Mais sa concentration, elle se limite à, par exemple, réfléchir à ce que veut dire la sourate, faut que je fasse bien mon recours, etc. Et le plus haut point, le cinquième, là il dit c'est celui qui est comme s'il était devant Allah, comme si son cœur il voyait Allah. Lui, il est dans un autre... C'est comme si en rentrant dans sa prière, il est dans un autre monde. Il ne pense pas simplement « il faut que je fasse bien ma prière », mais lui, il est presque en contemplation. C'est-à-dire, il est avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus haut point. Et il dit, à la fin, le premier, lui, il sera puni pour cette prière. Il mérite d'être puni, celui qui ne fait pas l'oudou correctement, etc. Le deuxième, il est « muhasab », c'est-à-dire, on lui demandera des comptes pour sa prière. Celui qui pense à autre chose. Le troisième, il est pardonné. Celui qui repousse le wiss-wess dans sa prière et qui l'a fait correctement, sa prière, elle lui vaut takfir al-dhunub, le fait que ses péchés lui soient pardonnés. Le quatrième, il est muthab. Il a une récompense pour sa prière. Et le cinquième, lui, il fait partie des muqarrabin, des plus hauts degrés, ceux qui sont rapprochés d'Allah. Donc vous imaginez un peu celui qui ne prie pas. Il n'est même pas dans la discussion pour vous montrer le danger et la gravité de la question de celui qui ne fait pas la prière. C'est-à-dire qu'il ne rentre même pas dans la discussion. Sachant que le premier degré, on a dit, il mérite d'être puni déjà. Al-Rabi'a Achar, le 14e point, Khushu'u Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salatihi. Comment était le prophète et comment était son khushu', sa concentration dans la prière sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est au début, c'est un peu étonnant. En fait, le cheikh, ce qu'il a fait, au lieu de citer d'abord comment était son khushu', il a cité au contraire des gestes qui en apparence contredisent le khushu' de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son khushu' complet, il ne peut pas avoir un khushu' plus que lui, mais ça ne l'empêchait pas qu'il n'était pas déconnecté du monde et de ce qu'il y avait autour de lui. En fait, et ça veut dire aussi que les gestes qu'on va citer, on a le droit de les faire. Et ça ne contredit pas le khushu'. Donc quels sont ces gestes qu'il a cités? Donc là, il a cité une dizaine de hadiths. On ne va pas tous les lire. On ne va pas les lire même. Mais il a cité par exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait à la mosquée, s'il entendait le bébé d'une femme pleurer, il abrégeait la prière. La prière en groupe, la prière obligatoire. Donc abrégé, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faisait comme un coq. Non, il la faisait complète, mais il ne l'allongeait pas. Il faisait ce qui était demandé pour qu'elle soit valable, et il faisait toutes les choses qui étaient recommandées. Comme par exemple dire trois fois Subhanallah bien A'la, dire tous les afkar, lire une sourate après la fatiha, etc. Ça, il le faisait. Donc abrégé, ça ne veut pas dire qu'il l'a bâclé. Mais il la faisait, entre guillemets, le minimum qui est louable. Et il disait donc pour ne pas faire souffrir la mère. Donc malgré qu'il était en plein dans sa prière, quand même il entendait les pleurs de l'enfant et il y pensait. Et après il changeait, il agissait en conséquence. Autre chose, par exemple, un jour il avait envoyé un cavalier pour une mission. Et alors qu'il faisait la salate, dehors, le cavalier il est arrivé d'une colline. Et avec son regard, il a suivi le cavalier. Donc en même temps qu'il priait, il a pensé également à ce que le cavalier allait lui dire et à l'accueil de ce cavalier. Un autre exemple, c'est quand il a porté sa petite fille Umama. Umama, c'était la fille de sa fille Zainab. Zainab, elle était mariée avec Abu al-As ibn al-Rabi'a, Abu al-As ibn al-Rabi', pour la petite histoire, il était mushrik et il était marié avec Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est devenu prophète, ils se sont pas séparés, et quand il a fait le hijra, Abu al-As, lui, il empêchait Zaynab de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle, puisqu'elle était, elle, convertie. Mais après la bataille de Badr, où Abu al-As il a été fait prisonnier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a relâché, il lui a dit: je te relâche, mais tu me donnes la promesse que tu laisses Zaynab revenir à Médine. Venir plutôt à Médine. Il lui a donné la promesse et il a respecté sa promesse. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il adorait des statues, il respectait sa promesse. C'est comme ça qu'ils étaient à l'époque. Et plus tard, il est entré dans l'islam et il les a rejoints à Médine et il est resté avec Zaynab. Donc c'est toujours resté le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient une fille qui s'appelait Umama. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière en groupe, donc il prie en groupe, la prière obligatoire, et en tant qu'imam, et il portait Umama, qui était bébé, il l'a porté. Et quand il faisait le recours ou le soujoud, il l'a posé. Donc ça, c'est des actes, en apparence, qui contredisent le khushu', mais en fait, ça ne le contredit pas. Là, en quoi ça ne le contredit pas? Ben, le prophète l'a fait. Si le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ça ne contredit pas le khushu'. Également, par exemple, Hassan al-Hussein, parfois, il jouait sur lui quand il priait. Et s'il montait sur son dos quand il était en soujoud, ben, il restait plus longtemps en soujoud, pour ne pas les faire tomber. Autre chose, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui passait le salam et qu'il priait, il rendait le salam avec la main. C'est-à-dire il levait la main pour rendre le salut. Donc quand même, il entendait qu'on lui passait le salut, et il répondait. Dans un autre hadith, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un shaitan devant lui dans la prière. C'est-à-dire qu'Allah lui a donné, à ce moment-là, la faculté de le voir, et il l'a attrapé avec sa main. Et les sahaba, ils l'ont vu. C'est-à-dire ils ont vu qu'il a fait un geste, mais ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et à la fin, il leur a expliqué. Donc tout ça, ça ne contredit pas le rochoir. Donc de façon générale, quand dans la prière, on a besoin de faire un geste qui ne va pas durer pendant toute la prière et qui ne contredit pas fondamentalement la prière, par exemple, on ne se tourne pas de la qibla complètement, etc., on a le droit de le faire. Des petits gestes pour un besoin quelconque, comme ramasser quelque chose, ou bien par exemple ouvrir une porte à un enfant, ou bien tirer un enfant pour pas qu'il se fasse mal, des choses comme ça, il n'y a pas de mal à les faire dans la prière. Donc maintenant, par contre, on va voir vraiment, à proprement parler, le khushu' du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les choses qui sont rapportées de lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il pleurait dans la prière, et également il émettait, c'est-à-dire on entendait comme le bruit d'une marmite quand il pleurait dans la prière. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas des pleurs où, comme parfois ça arrive dans les mosquées, quelqu'un il pleure puis on l'entend crier, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ça. De la même façon que quand il riait, en dehors de la prière, il ne riait pas aux éclats, mais simplement il faisait un grand sourire. Mais il ne riait jamais aux éclats en faisant ha ha, etc. Donc dans la prière, c'est la même chose. C'était un khushu' avec des pleurs, mais mesurés. Et quelque chose qui ne dépassait pas les limites. Donc il y a plusieurs hadiths comme ça. Donc par exemple, Bilal, un jour, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et pleurer. Et il lui a dit: pourquoi est-ce que tu pleures ainsi alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés futurs? Et il lui a répondu: afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. Et il dit: cette nuit, donc c'est ça qui l'a fait pleurer, Allah m'a révélé un verset, malheur à celui qui la récite sans y réfléchir. Et le verset c'est: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Le verset de la sourate Ali Imran, qui dit donc: dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens intelligents. Donc il a dit malheur, et ça on va y revenir par la suite, on va reparler de ce verset et de ce hadith. Dans un autre hadith, donc an Abdillah ibn Shikhir radiyallahu anhu qal: ataytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjali min al buka. Donc un sahabi, Abdullah ibn Shikhir, il disait: un jour, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai trouvé en train de faire la salat. Et il avait un, donc il a parlé d'un bruit, il a dit Aziz. Aziz, c'est comme le grondement d'une marmite. Et il a dit: Ka'aziz il-Mirjel. Il-Mirjel, c'est la marmite. Minal Bouka, en pleurant. Donc c'est un pleur, mais c'est fort, mais c'est discret. Et ça, pour la parenthèse, ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était bel et bien un prophète sincère. Il y a beaucoup de hadiths comme ça, quand on y réfléchit, c'est des preuves de la prophétie. Pourquoi ? Parce que si c'était un faux prophète, naturellement, logiquement, un faux prophète, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Bah, il aurait crié dans sa prière, il aurait fait un tas de trucs fous pour qu'on dise de lui, c'est quelqu'un qui craint. Mais le prophète, au contraire, sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait dans sa prière, mais c'était quelque chose qui, si on n'était pas près de lui, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Un autre hadith. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. Donc Ibn Mas'ud il raconte رضي الله عنه qu'un jour le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit récite-moi le Coran. Et Ibn Mas'ud il lui a dit je vais te le réciter alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, car j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Faftatahtu surat an-nisa. Il dit donc j'ai commencé le début de surat an-nisa. Falamma balagtu fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa idha 'aynahu tadhrifan. Il dit quand je suis arrivé au verset, donc il a lu à peu près ce que le Coran tel qu'on. On le divise maintenant, il a lu à peu près un hizb. Et quand il est arrivé au verset qui dit « Quand sera-t-il quand nous amènerons à chaque communauté un témoin et que nous t'amènerons comme témoin contre eux ?» C'est-à-dire le verset il dit que chaque communauté elle aura un témoin contre elle. Et Allah dit « Et eux, c'est-à-dire les gens à partir de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les êtres humains à partir de son époque, ben le témoin contre eux, ça sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et là, Ibn Mas'ud, donc ça c'est expliqué dans d'autres versions du hadith, en fait il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait, ses larmes coulaient. Donc encore une fois il n'a pas crié ni rien du tout, mais il a pleuré, et après il a pleuré tellement fort qu'il lui a dit hasbouk, il lui a dit arrête-toi là, parce qu'il ne supportait plus la récitation. Donc nous malheureusement la plupart d'entre nous on supporte pas une récitation, soit parce qu'on n'aime pas la voix du récitateur, ou parce que ça fait trop longtemps qu'on écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'arrêter parce que ça le faisait pleurer. C'est pour ça qu'il lui a dit d'arrêter, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la bataille de Badr, la veille de la bataille de Badr, il a passé la nuit à prier et à faire des du'as. Et pendant ces du'as et ces prières, il pleurait. Et un autre exemple, c'est dans Salatul Kusuf, dans la prière de l'éclipse, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'éclipse, pendant les différents gestes de la prière, donc là en l'occurrence c'est le soujoud, et entre le soujoud, eh bien il pleurait. Et dans le hadith il est dit Faja'ala yanfuhu wa yabki. Yanfuh, c'est-à-dire qu'il faisait comme un gros souffle. Ça c'est quelqu'un qui a des gros pleurs et qui essaye de se retenir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de l'éclipse, il a pleuré de cette façon. Ensuite il a mis également un point sur le khushu' des sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a cité par exemple l'exemple d'Abu Bakr. Et pour l'exemple d'Abu Bakr, il a cité le fameux hadith qui est que un peu avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il était allongé, il était malade et il ne pouvait plus diriger la prière en groupe. Et donc il a dit aux gens qui étaient autour de lui et notamment à ses femmes, Mouru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Donnez l'ordre à Abu Bakr de diriger les gens dans la prière. Et qu'est-ce qu'elles lui ont répondu, notamment à Aïcha radiallahu anha, elles ont répondu Inna Aba Bakrin rajulun asif. Asif yani hazin. Elles ont dit mais Abu Bakr c'est quelqu'un de hazin. Pas dans le sens où c'est quelqu'un de déprimé, mais quelqu'un qui, comme elles ont dit, s'il prie, il va tellement pleurer que, en fait, il ne peut pas diriger la prière. Et les gens ne l'entendront même pas, parce qu'il ne fait que pleurer. Donc c'est ça en fait qu'on retire de cette histoire par rapport à notre chapitre, c'est qu'Abou Bakr il était connu pour, bah, il pleurait tellement dans la prière que même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont dit bah non, il ne faut pas qu'il soit imam parce que les gens ils vont pas l'entendre. Si ce n'est que, bon pour la parenthèse, Abou Bakr lui il a voulu que ce soit Omar, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté pour que ce soit Abou Bakr. Et pourquoi il a insisté notamment ? pour que c'était une allusion au fait que le plus digne de lui succéder, c'était Abu Bakr. Donc malgré que dans la prière, on ne l'entend pas, c'est lui qui doit succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a cité également l'exemple de Omar, radiallahu anhu, et l'exemple de Omar lorsqu'on l'a assassiné. Donc Omar, comment est-ce qu'il est mort? Un jour, il dirigeait la prière dans la prière du Subh, la prière du Fajr, et c'est un Majusi, un Perse, qui l'a poignardé. Donc il s'est évanoui. Abdurrahman ibn Auf, il s'est avancé, il a terminé la prière. Mais la leçon qu'on retire de cette histoire, c'est que Omar, à chaque fois qu'il se réveillait, il disait « Asallannas ». Est-ce que les gens ont prié? C'est-à-dire, ils pensaient qu'à la prière. Et après, quand ils lui ont expliqué qu'il s'était fait poignarder, etc., et qu'il a un peu repris ses esprits, il a fait les ablutions, il a fait la sunna du Fajr et Salat al-Fajr. C'est-à-dire, première chose, alors qu'il vient de se faire assassiner, qu'il faut penser à qui c'est qui va lui succéder, etc., etc. Il a cité également l'exemple de Sa'd ibn Mu'ad, qui disait, donc Sa'd ibn Mu'ad, je vous rappelle, c'était un des grands chefs des Arabes de Médine avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait: Fiyya thalathu khisalin law kuntu fi sa'iri ahwali akunu fihinna kuntu ana. Il disait: j'ai trois qualités, si je pouvais être comme ça dans tout le reste, la kuntu ana, ça veut dire littéralement, ça veut dire je serai qui je serai, ça veut dire je serai quelqu'un de grande valeur. Et il a dit: إِذَا كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ لَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِغَيْرِ مَا أَنَا فِي. Il dit, première qualité, quand je suis dans la prière, je ne pense à rien d'autre que ce dans quoi je suis, c'est-à-dire à rien d'autre que la prière. وَإِذَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَا يَقَعُ فِي قَلْبِ رَيْبٌ أَنَّهُ الْحَقِّ. Il dit, quand j'entends une parole du prophète صلى الله عليه وسلم, je n'ai aucun doute que c'est la vérité. وَإِذَا كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ لَمْ أُحَدِّثْ نَفْسِي بِغَيْرِ مَا تَقُولُ وَيُقَالُ لَهَا. Et quand je suis dans un convoi funéraire, je ne pense à rien d'autre que ce qu'on dit au défunt et ce qu'il doit répondre. C'est-à-dire les questions entre les anges et le défunt. Ensuite, il a cité également ici l'exemple de... donc ça, c'est cité dans les livres d'histoire. Ce n'est pas comme un hadith de Sahih al-Bukhari, mais on peut le citer. C'est que Abdullah ibn Zubayr, quand il a été assailli par Hajjaj ibn Yusuf, donc le problème c'est que ça demande un petit aperçu historique. En fait, Abdullah ibn Zubayr, c'était un sahabi, un jeune sahabi. C'était le fils de Az-Zubayr, un des 10 plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après la mort de Muawiyah, il y a eu de la dispute pour savoir qui allait prendre le pouvoir. Et Abdullah ibn Zubayr, lui, était les gens de la Mecque, de Médine et de l'Irak lui avaient prêté serment pour que ce soit lui Amir al-Mu'minin. Donc lui, il était Amir al-Mu'minin réellement. C'est-à-dire c'était lui le commandeur des croyants, le calife. Mais ce n'est pas tout le monde musulman qui lui avait prêté serment. Et le reste du monde musulman, donc notamment le Chem, eux, ils avaient prêté serment à ce moment-là, à Abdelmalik ibn Marwan, qui lui n'était pas un sahabi, c'était un tabi'i. Et qui était du même clan, la même tribu que Muawiyah. Et donc entre eux, les deux parties, il y a eu des conflits. En l'occurrence, c'est surtout Abdelmalik ibn Marwan qui a voulu soumettre Abdullah ibn Zubayr. C'est-à-dire il estimait que c'était lui le calife de tout le monde musulman, et qu'Abdullah ibn Zubayr, il devait se rallier à sa cause. Et donc ils ont fait la guerre. Donc c'est les armées d'Abdelmalik ibn Marwan qui ont attaqué Abdullah ibn Zubayr. Et quand lui, il vivait à la Mecque, et l'émir de Abdelmalik ibn Marwan, il a été jusqu'à encercler la Mecque et catapulter la Mecque. Si c'est vrai, c'est-à-dire ça c'est rapporté dans des livres d'histoire, mais ce n'est pas des chaînes de transmission comme Sahih al-Bukhari. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Allahu a'lam. En tout cas, c'est cité dans les livres d'histoire. Et il est rapporté que parfois, quand ils étaient catapultés, Abdullah ibn Zubayr, ça tombait au moment où il priait. Et les pierres et tout ça, ça tombait autour de lui, et lui, il ne bougeait pas d'un poil dans sa prière. Jusqu'à ce qu'il termine sa prière comme si rien ne se passait. Wallahu a'lam, ça c'est rapporté dans les livres d'histoire. Ensuite, le cheikh, il a parlé plus précisément de la concentration quand on récite le Coran. Puisque dans la prière, une partie de la concentration, elle est liée au fait qu'on récite le Coran. Donc là, il s'est étendu sur la récitation du Coran. Il a cité notamment le verset qui dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. C'est-à-dire que Allah a révélé un verset et Abdullah ibn Mas'ud il disait que Allah a révélé ce verset au bout de plusieurs années. Allah leur a dit: n'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont la foi an takhsha'a qulubuhum, que leur cœur ait le khushu'a. Donc je vous avais dit khushu'a, c'est dur de traduire. Que leur cœur ait le khushu'a, c'est-à-dire qu'ils soient concentrés au rappel d'Allah et à la vérité qu'Allah a révélée. C'est-à-dire qu'ici, Ibn Mas'ud, il disait, Allah nous a, il a dit, A'atabana, Allah nous a réprimandés par ce verset. Comme s'ils ont commencé seulement à avoir un peu d'insouciance, Allah les a rappelés à l'ordre en leur disant qu'il est temps que vous ayez le khushu'a quand on mentionne Allah et à la vérité qu'Allah a descendue. C'est quoi la vérité qu'Allah a fait descendre? En l'occurrence, c'est le Coran. Donc en fait, le verset, il veut dire que normalement, quelqu'un qui a la foi, il doit sentir le khushu' quand il écoute le Coran. Donc on a vu l'exemple avec Ibn Mas'ud tout à l'heure, et avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple aussi, c'est l'exemple de Jubayr ibn Mut'im. Jubayr ibn Mut'im, c'était un arabe de je ne sais plus quelle tribu. En tout cas, dans une bataille, il avait été fait prisonnier par les musulmans. Et il était lié à un pilier de la mosquée. Donc il était fait prisonnier dans la mosquée. Et il dit, donc après il s'est converti, et il disait « Sami'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bit-tur » Il dit, j'ai entendu un jour, dans la prière du Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la sourate wa tour. Et il dit, il est arrivé au verset qui dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est-à-dire, Allah a dit ici, à ceux qui renient Allah, si vous reniez Allah, il y a deux solutions. Soit c'est vous, vous vous êtes créé vous-même, c'est pas possible. Ou alors vous avez été créé de rien. Il n'y avait rien, puis d'un coup vous avez surgi comme ça. Le verset, il a tout résumé pour répondre aux athées. Est-ce que vous avez été créé de rien, ou est-ce que vous êtes vous-même vos propres créateurs? Et la troisième réponse, c'est que c'est Allah qui vous a créé. Mais Allah ne l'a pas, c'est comme c'est évident, il ne l'a pas dit dans le verset. Am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun. Ont-ils créé les cieux et la terre? Plutôt, ils n'ont aucune certitude. Et Jubayr dit « Kada qalbi an yatir » Il dit « Quand j'ai entendu ça, mon cœur a failli s'envoler. » Qu'est-ce qui fait que leur cœur s'envolait? Bien sûr, c'est que c'est la langue, notamment. Parce que c'est cette langue arabe littéraire qui est dans le Coran, la langue la plus forte, eux, c'est la langue qu'ils parlaient depuis tout petit. C'est la langue par laquelle ils conversaient. Donc c'est pour ça que parfois, avec un seul verset, il disait « Mon cœur a failli s'envoler. » Et c'est comme ça qu'il est entré dans l'islam. Mais le Coran, il est tellement miraculeux que ça, c'est vrai, même pour des gens parfois qui lisent le Coran, même en français, c'est-à-dire c'est pas le Coran, c'est la traduction, mais le sens du Coran, parfois, il les frappe à un point où ils peuvent entrer dans l'islam pour un verset ou pour une sourate. Donc ça, c'est ce qui est arrivé à Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu. Ensuite, le 18e point, il dit « Darajatul khushu'i fi salah » Les degrés du khushu' dans la prière. Donc là, il cite les différents degrés. Premièrement, il dit le premier degré, c'est le fait de réciter ce qu'on récite, le Qur'an, les afkar, en pensant à leur sens. Ça, c'est le minimum du khushu'. Le minimum du khushu', c'est de penser à ce que tu dis dans la prière. Donc que ce soit le Qur'an ou que ce soit, par exemple, At-tahiyyatu lillah, ou alors Allahumma salli ala nabi, ou Subhana Rabbi al-A'la, etc. Et là, il a cité une parole intéressante. Vous vous souvenez tout à l'heure du hadith de Bilal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a révélé un verset, et il a dit, Waylun, malheur à celui qui les récite sans y réfléchir. Et un homme, un jour, il a interrogé l'imam al-Awza'i. Alors, pour vous situer un peu, l'imam al-Awza'i, c'est la même génération que l'imam Malik. C'était même un ami de l'imam Malik. Sauf que l'imam al-Awza'i, lui, il était au Sham. L'imam Malik, c'était l'imam de Médine, l'imam dans le sens le grand savant, et l'Aouzari, c'était l'imam du Cham, c'est-à-dire de la Syrie. Et ils s'écrivaient l'un et l'autre. Et même, en fait, l'imam al-Aouzari, il aidait financièrement l'imam Malik. Souvent, il lui envoyait des dons. Dont vivait l'imam Malik, rahimahullah. Pourquoi ? Parce que Layth ibn Sa'd... Non, je confonds avec Layth ibn Sa'd. Pardon. Celui qui envoyait les dons à l'imam Malik, c'est pas l'Aouzari. Layth ibn Sa'd, lui, c'était au même moment également, mais lui, c'était l'Égypte. Donc, chaque contrée, elle avait vraiment un grand imam. Et le grand imam du Cham, c'était l'Aouzari. Et un jour, un homme, il a dit à l'Aouzari, il lui a cité ce hadith, « Malheur à celui qui récite ce verset et qui n'y réfléchit pas. » Et il a dit, « C'est quoi le minimum pour échapper à ce malheur ?» Quand le prophète a dit, « Waïloun, malheur à celui qui ne réfléchit pas à ces versets. » Il dit, « C'est quoi le minimum pour que j'ai fait ce qu'il faut faire ?» Et il a répondu, « Yaqra'uhunna wa huwa yaqiluhunna » Tout simplement. Il a dit, « Il les récite en les comprenant. » Yaqiluhun, c'est-à-dire, il y réfléchit. Son aql, il est présent. S'il fait ça, il ne mérite pas waïloun, c'est-à-dire malheur à celui qui les récite et qui n'y réfléchit pas. Le deuxième degré, il dit, c'est de réciter, toujours en réfléchissant à ce qu'on dit, mais en plus du premier degré, c'est at-ta'athur. C'est le fait d'en ressentir quelque chose, de réagir à ça. Parce que parfois on peut réciter, réfléchir à ce qu'on récite, être concentré, mais sans plus. Mais parfois il y a le ta'athur. Ta'athur, c'est-à-dire qu'on va ressentir de la crainte, peut-être qu'on va pleurer, etc. Ça, c'est le deuxième degré du khushu'. C'est un degré supérieur. Et il dit le troisième degré, c'est la même chose, mais encore plus. C'est-à-dire un grand ta'athur, une grande réaction. Et là, il a cité l'exemple des sahaba quand ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avec le hadith qui est bien connu, le hadith de Hanzala. Hanzala, c'était un compagnon. Un jour, il a croisé Abu Bakr et il était déprimé. Et Abu Bakr lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, Nafaqa Hanzala. Il lui a dit, je suis devenu un munafiq. Et Abu Bakr lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que quand on est avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on voyait le paradis et l'enfer de nos yeux. Puis quand on rentre chez nous, on joue avec nos femmes, nos enfants et on oublie. Donc il dit, voilà, je suis un hypocrite. Il a cru que ça, c'était l'hypocrisie. Et Abu Bakr lui a dit, mais moi aussi, c'est la même chose. Donc on va demander ce qu'il en est au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont expliqué ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il leur a dit, si vous étiez tout le temps dans le même état que le vôtre quand vous êtes avec moi, les anges, ils viendraient sur terre vous serrer la main. C'est-à-dire que c'est impossible. Et il a dit, voilà, kinya hamdala, sa'a wa sa'a. Il y a un moment et il y a un autre moment. C'est-à-dire, il y a des moments où voilà, on a le khushu', on est sérieux, etc. Et il y a d'autres moments où on plaisante, on parle de tout et de rien, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que ça, en fait, c'est normal. C'est pas du nifaq. Mais pourquoi le shaykh il a cité ce hadith à ce moment-là? Pour montrer le degré de khushu' qu'ils avaient quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on n'est pas simplement dans la simple réaction. Ils sont à un degré où ils disaient, c'est comme si on voyait le paradis et l'enfer. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, les anges, ils vous serraient la main si vous étiez toujours comme ça. Le 19e point s'intitule Fawa'idul khushu'i fi salah. Les bénéfices du khushu' dans la prière. Donc parmi les bénéfices qu'il a cités ici, c'est que le khushu', ça fait aimer la prière et ça facilite la prière. Ça, c'est évident dans le verset de la surat al-Baqarah quand Allah a dit Wasta'inu bis sabri wa salah, aidez-vous de la patience et de la salat, wa innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Et la prière est une kabira, c'est-à-dire c'est lourd, sauf pour les khashi'in. Donc si on a tal khushu', la prière elle sera plus lourde, elle sera légère. Ensuite, il a dit également, le fait d'avoir le khushu' dans la prière, c'est ça qui fait que la prière elle t'écarte du blâmable. Et là, il a cité le fameux verset qui dit, accomplis la salat et la salat t'écarte de la turpitude et du blâmable. Mais ça, c'est à quelles conditions? D'abord, Allah a dit aqim as-salat, accomplis la salat. Donc une prière qui est accomplie réellement et donc dans laquelle il y a le khushu', celle-là, elle écarte, même petit à petit, elle écarte l'individu du mal et des péchés. Ensuite, il dit également le khushu', ça amène à pleurer par crainte d'Allah. C'est-à-dire, grâce au khushu', tu peux arriver à pleurer par crainte d'Allah. Or, pleurer par crainte d'Allah, il y a beaucoup de mérite. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a sept catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre au jour du jugement. Le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et dans les sept, il a dit un homme qui s'est isolé et qui a pleuré par crainte d'Allah. Ou alors les hadiths également qui disent donc ils citent plusieurs catégories de dieux qui ne seront pas touchés par le feu. Parmi ses yeux, il dit l'œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Ensuite, le cheikh, il a fait une parenthèse intéressante. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'on pleure dans la prière? C'est quoi qui nous amène à pleurer? Il a cité plein de choses. Penser à ses péchés, penser à sa négligence, avoir peur du châtiment d'Allah, avoir peur que son action ne soit pas acceptée, avoir peur de la mort, de ne pas s'être préparé suffisamment à la mort, ou tout simplement pour la grandeur d'Allah, par vénération envers Allah, ou alors par crainte de la fitna, des tentations, des troubles, simplement ou bien par humilité envers Allah, notamment quand on l'invoque, quand on lui demande quelque chose, ou alors par désir de rencontrer Allah, ce qu'on appelle en arabe « ash-shawq », le fait d'avoir le désir de voir Allah et de le rencontrer. Il dit également le khushu' dans la prière, ça allège la position qu'on aura devant Allah. Là, en fait, il a cité une parole d'Ibn al-Qayyim qui fait une comparaison entre al-wuquf fi dunya et al-wuquf fi akhirah. Le wuquf, c'est le fait d'être debout. Et il dit, quand tu seras debout devant Allah, ça dépend de comment tu étais debout devant lui sur terre. Donc si sur terre, tu étais debout devant lui avec concentration, humilité, etc., avec khushu', tu seras debout devant lui facilement, c'est-à-dire que tu n'en souffriras pas au jour du jugement. Et ça sera un wukuf qui sera facile, qui va passer rapidement. Et l'inverse, si ton wukuf devant Allah dans la prière il était négligé, tu souffriras du wukuf, de quand tu seras debout devant Allah au jour du jugement. Bon, là il a cité beaucoup de choses, par exemple. Le fait que le khushu', ça rapproche d'Allah, ça adoucit le cœur, ça éloigne les soucis, ça fait que tu aimes plus la prière, ça t'ouvre les portes de la connaissance. C'est-à-dire, plus tu gagnes en khushu', plus Allah peut te faciliter d'apprendre. Par exemple, il va faire que tu comprends mieux, que tu trouves les moyens d'apprendre, etc. Ça t'ouvre également les portes de ad-du'a, parce que la du'a, quand elle est accompagnée de khushu', elle est plus forte que quand elle ne l'est pas. Également, ça fait que tu te délectes de la prière, comme on l'a vu dans l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, donc là c'est très très long. Alors si on finit pas aujourd'hui, on va pas faire ça dimanche prochain, pour pas que ce soit trop lourd. Ce que je ferai, c'est qu'on va le mettre de côté, puis par exemple dans un mois, deux mois, on finira le sujet du khushu'. Le point suivant, en fait, il s'intitule « Al-asbab allati tuzilu al-ghaflata wa tajlibu al-khushu'a fi salah ». C'est peut-être le point le plus important. C'est-à-dire les causes, les moyens pour écarter al-rafla. D'ailleurs, al-rafla, qu'est-ce que c'est? Al-rafla, qu'on traduit généralement par l'insouciance, il y a al-rafla et al-nisyan. Al-nisyan, c'est d'oublier. C'est quoi la différence entre les deux? Al-nisyan, c'est involontaire. Et al-rafla, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'al-nisyan, comme Allah dit dans le Coran, La tu akhivna in nasina ou akhtana. Allah ne s'en prend pas à nous si on oublie. Pourquoi? Parce que l'oubli, c'est involontaire. Par contre, el rafla, ça vient de l'être humain. C'est-à-dire que c'est la négligence qui fait qu'il oublie, ou il néglige plutôt. Et il est insouciant. Donc, ça, par contre, l'être humain, il est coupable quand il fait preuve de rafla. Donc, les causes pour repousser le rafla et pour attirer le khushu'. Donc, là, il en a cité une cinquantaine, et pour certaines, il les a fortement détaillées. On ne va pas citer les 50, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de répétitions dans ce que le cheikh dit, Donc on va dire le principal. As-sababul awwal, la première cause pour avoir le khushu', il dit ma'rifatullah, le fait de connaître Allah. Connaître Allah, c'est connaître Allah par ses noms, par ses qualités qu'il nous a citées dans le Coran. Et il explique que cette connaissance, elle est de deux sortes. Al-iqrar, qui est simplement de reconnaître, reconnaître qu'Allah, par exemple, est le créateur des cieux et de la terre, qu'il est puissant sur toutes choses. Reconnaître les noms et les qualités d'Allah. Il dit ça, c'est normal, c'est obligatoire. Mais ensuite, il dit, il y a une autre ma'rifa, une autre connaissance qui, elle, c'est la connaissance profonde qui fait que tu as honte d'Allah et tu crains Allah. Et ça, ça vient, hein? Ça ne vient pas juste en lisant. En lisant, tu as la première connaissance. Par exemple, si tu lis dans le Coran Ar-Rahman wa ala al-Arshistawa, ben voilà, tu sais qu'Allah s'appelle Ar-Rahman et tu sais qu'il est au-dessus du trône. Tu le sais. Maintenant, est-ce que ça, ça a un impact? Là, il dit pour que ça ait un impact, il y a deux grandes portes. La première porte, c'est de méditer sur les versets du Coran et également les hadiths, puisque les deux, ce sont des révélations. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou disait, il le faisait selon ce qu'Allah lui révélait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ayat al-shar'iyya, les ayats d'Allah qui sont de l'ordre de la révélation. Donc réfléchir sur le Coran, méditer sur le Coran, méditer sur les hadiths. Et la deuxième, c'est التفكر في آيات الله المشهودة. Réfléchir sur les signes d'Allah visibles. Donc les signes d'Allah, ce qu'on appelle les ayats, ils sont de deux sortes. Ce qu'Allah a révélé, donc c'est-à-dire le Coran, et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la révélation c'est deux choses, le Coran et la Sunna. Donc ça, ça demande qu'on y médite. Et les autres ayats, c'est la création d'Allah. Ça peut aller jusqu'à ta propre personne. Puisqu'Allah dit dans le Coran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dans vos propres personnes, il y a des signes. Et ça, on peut en parler, on peut réfléchir toute la vie sur les arbres, le soleil, l'être humain, comment il est fait, etc. Mais en fait, quand on dit les signes, c'est pas seulement, par exemple, comme je viens de dire, l'être humain, la terre, les arbres. C'est aussi les événements, l'histoire, par exemple. Le fait de réfléchir sur l'histoire, c'est pour ça que dans le Coran, il y a une grande part d'histoire. Le Coran, il ne nous dit pas simplement « faites ci, ne faites pas ça ». Il nous raconte beaucoup d'histoires. Pourquoi? Parce que dans les histoires, c'est le destin d'Allah. Dans l'histoire, il y a l'acte d'Allah. Il y a l'intervention d'Allah. On voit ce qu'Allah fait aux gens. Comment il traite les croyants, comment il traite ceux qui s'opposent aux prophètes, etc. Donc ça aussi, c'est réfléchir sur les signes d'Allah, sur l'histoire, la création d'Allah. Ensuite, il dit, la deuxième cause pour attirer le khushu', c'est remédier à la dureté du cœur. Donc là, sur ce sujet, il a cité plusieurs versets dans lesquels Allah a blâmé ceux qui avaient un cœur dur. Donc par exemple, à la fin de la sourate Al-Baqara, Allah a blâmé Bani Israël, les enfants d'Israël, avec l'histoire de la vache. Et parce qu'à ce moment-là, ils ont eu un cœur dur. Quand il dit ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Ici, Allah s'est adressé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, ensuite, vos cœurs sont devenus durs. Et ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. Donc Allah les a blâmés pour ça. Ensuite, on a vu également le verset tout à l'heure qui disait Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ça, c'est un verset qui en dit beaucoup si on s'arrête dessus. Que dit le verset? Alam ya'ni lil ladina amanu. C'est-à-dire, n'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur soit rempli de khushu' vis-à-vis de quelque chose, les dhikrillah, au rappel d'Allah, c'est-à-dire quand on parle d'Allah, quand on mentionne Allah, wa ma nazala min al-haq, et face à ce qu'Allah a révélé de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre auparavant. Donc là, Allah nous met en garde de faire la même erreur que ceux qui ont reçu le livre auparavant, le livre de Moussa ou le livre de Isa. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, c'est-à-dire le temps طال عليهم, le temps leur a paru long, فقست قلوبهم, et leurs cœurs se sont endurcis. Et ça, c'est ce que chacun il observe en soi-même. C'est-à-dire quand, par exemple, il entre dans l'islam, ou il commence la prière, il commence la lecture, etc., il sent un élan. Parfois, il sent pousser des ailes. Mais 15 ans après, quand on en reparle, c'est autre chose. 20 ans après qu'on ait commencé la prière, c'est beaucoup dit, c'est très différent. On sent plus de lourdeur, de routine, etc. Ben, ce verset, il blâme ça. Pourtant, c'est ce qu'on connaît tous. Mais ça veut dire qu'il faut normalement se remettre en question. Et ça, en fait, c'est l'erreur de, ben, des gens qui ont reçu le livre auparavant. C'est-à-dire que le temps passait et ils laissaient leur cœur s'endurcir. Et à la fin, Allah dit « Wa kathirun minhum fasiqun » et la plupart d'entre eux sont des fasiqun, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à Allah, ils font des péchés. Dans un autre verset, Allah dit « Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nourin min rabbihi fawailun lil-qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin » Dans ce verset, Allah dit: celui à qui Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui est sur une lumière de son Seigneur. Il n'y a pas la suite. Sous-entendu, est-il semblable à celui qui n'est pas de la sorte? Et la fin du verset dit فَوَيْلٌ, malheur à ceux dont les cœurs sont durs, مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, c'est-à-dire face au rappel d'Allah. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ceux-là sont dans un égarement évident. Donc la prochaine fois, pas dimanche prochain, mais la prochaine fois qu'on finira le sujet, le cheikh il va entamer ilajul qaswa, comment on soigne la dureté du cœur. Donc il va parler du dhikr, de beaucoup de choses, et après il y a encore beaucoup de choses, tous ces asbab là qu'on avait dit. Il va parler de ce que c'est que le wiswas par exemple, et comment on combat le wiswas, quels sont les actes également qu'on peut faire dans la prière et qui amènent le khushu'. Donc il y a encore pas mal à dire. Il va parler également de la méditation dans la prière et du Coran. Il y avait encore beaucoup à dire, donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.